Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Amis et amis cinéphiles, bonsoir, bienvenue dans Transmission, le 24e épisode, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre, un petit grand écart en fait, entre la Suède, la Belgique, avec un petit détour par Chicago. Ce soir, une émission avec des choix éditoriaux, encore une fois, très discutables, où nous avons mis de côté le nouveau film des frères Coen et le nouveau film de Nadine Labaki, peut-être à tort. On ne sait pas, mais en tout cas, nous l'avons évincé du programme. Au profit du Beautiful Boy de Felix von Groningen, de Widows de Steve McQueen, aussi de Millennium de Fede Alvarez. Et enfin, on parlera pour la première fois dans Transmission d'une production Netflix, The Outlooking, le film de David Mackenzie. Autour de moi, ce soir, en grande forme, nous allons jouer tous ensemble ce soir à un jeu qui s'appelle « Choisis ton Steve McQueen ». Julien Rombaud, bonsoir. Bonsoir. Penses-tu que Timothée Chalamet est le nouveau Steve McQueen ? Pas du tout, j'ai pas l'impression du tout que ce soit le même genre d'acteur, ni même, le même être humain. Très bien. Et toi, Manu, penses-tu que Steve McQueen soit le nouveau Steve McQueen ? Le Steve McQueen du Steve McQueen ? En tout cas, l'un des deux n'a pas le même nombre d'Oscars que l'autre. Merci, quelle répartie ! On parlera aussi de Outlooking. Toi, Lucien, penses-tu que Chris Pine est le nouveau Steve McQueen ? On est plus proche que les deux précédentes options, mais non. Merci bien pour cette petite introduction qui queen. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Beautiful Boy, le film de Felix von Groningen uit België. There are moments that I look at him, this kid that I raised, who I thought I knew inside and out, and I wonder who he is. I thought we were close. I thought we were closer than most fathers and sons. Why? I felt better than I ever had, so I just kept on doing it. This isn't us. This is not who we are. My son is out there somewhere, and I don't know what he's doing. Beautiful Boy, c'est le nouveau film du Belge Felix von Groningen après La Merditude des Choses, le succès international d'Alabama Monroe qui s'appelait, je crois, qui était sorti d'abord sous le titre The Broken Circle Breakdown, et enfin Belgica, donc le dernier film qu'il a fait en Belgique avant de partir aux États-Unis, puisque Brad Pitt l'a embauché sous le nom de sa boîte Plan B pour ce nouveau film, donc qui s'appelle Beautiful Boy, qui est interprété par Steve Carell et Timothée Chalamet, donc la révélation de Call Me By Your Name. Cependant, von Groningen a pris avec lui son chef-op Ruben Impens et son monteur Nico Lennon, qui sont deux collaborateurs avec lesquels il travaille depuis son premier long-métrage, Steven Sky. C'est adapté de deux livres, qui sont le livre de David Sheff, A Beautiful Boy, A Father's Journey Through His Son's Addiction. David Sheff est rédacteur au Rolling Stone Magazine. Et aussi l'écrit de son propre fils, donc qui s'appelle Nick Sheff, qui s'appelle Tweak Growing Up on Methamphetamines. Le scénario ici a été signé par Felix von Groningen lui-même et Luke Davis, d'après ces deux récits authentiques. Donc ça raconte quoi ? C'est l'histoire de David, qui est interprété par Steve Carell, qui est le père de Nick, un garçon de 18 ans, mais qui est déjà polytoxicomane. L'histoire est étalée sur plusieurs années et raconte la dépendance progressive de Nick et surtout le combat de ses parents pour tenter de comprendre leur fils et d'essayer de le sortir de la dépendance. Julien, qu'as-tu pensé de ce film ? Alors j'ai trouvé que le premier plan qu'on voit annonce un peu le reste du film, c'est-à-dire que je vois un visage soucieux et une discussion assez psychologique déjà. Et j'ai trouvé le film assez ennuyeux, voire très ennuyeux, sans beaucoup de surprises. Je trouve qu'il est peu mis en scène et qu'il y a un problème d'écriture dans ce film, qui nous balance un discours convenu sur la drogue et sur la moralité de la drogue. Je le trouve pas très profond et je pense que le film se repose un peu sur ces deux interprètes qui se complaient à filmer et qui ne sont pas mauvais par ailleurs, mais je trouve que dans l'écriture, ils n'évoluent pas énormément, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un état qui varie très peu, j'ai l'impression. Et je trouve que le film ne dépasse pas les poncifs du genre. je trouve que justement par rapport à son chef-op, il y a une belle douceur visuelle, une belle et dans les caractères aussi qui quand même le caractère du père par rapport à la réaction de son fils est assez belle, je trouve. Et je trouve que ce qu'il sauve un tout petit peu, c'est son montage vis-à-vis des différentes époques qui va chercher dans les différentes époques de la vie de ce jeune garçon et de rapport à son père. Je trouve que ça dynamise le film, heureusement. Mais voilà, en gros, je trouve que c'est assez tire-larme, assez pathos et qui cherche beaucoup trop l'émotion, un peu ce qu'on pouvait reprocher à Alabama Monroe, je trouve. Voilà, je peux encore dire des choses, mais je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas s'il cherche tant à aller vers l'émotion. Je trouve au contraire, c'est un des gros soucis du film, je trouve. Tu as une mise à distance totale tout le temps de cette relation avec ce père et ce fils qui ne cesse de se répéter sur le même schéma tout du long. Donc tu n'as en fait aucune surprise très rapidement. Tu vas avoir le même schéma répétitif. Moi, c'est vraiment un film qui ronronne complètement. Ce n'est pas un film déplaisant, mais c'est un film complètement anecdotique. Et plus le film défilait devant mes yeux, et puis je me disais, mais en fait, c'est quoi son point de vue? Qu'est-ce qu'il essaye de me raconter? Et tu découvres dans le générique final que c'est en fait un film un petit peu comme ce qu'on faisait dans les années 30-50, un film à vocation édifiante. Je ne suis jamais porté par l'émotion de Carell. Il est toujours d'un bloc comme ça, très impassible, donc il n'y a rien qui affleure comme émotion chez ce personnage-là. Et je trouve qu'il y a une des scènes qui est assez caractéristique pour moi de ce problème de point de vue. C'est une des scènes vers la toute fin du film où les deux parents, interprétés par Steve Carell et Maura Tierney, se rendent à une réunion de parents d'addicts. Et tu as les deux parents qui sont filmés, une autre mère qui est filmée dans l'assistance en train de raconter son vécu que tu peux assimiler à celui de Steve Carell et de Maura Tierney. Et en fait, ils sont filmés sur le même angle de vue. C'est juste une sorte d'illustration d'un cas clinique, mais il ne s'est jamais relié émotionnellement. Et moi, je trouve que c'est vraiment le gros souci que j'ai eu avec ce film-là. Je suis d'accord avec des choses qui... Je n'ai pas vu le film en entier, mais de ce que j'en ai vu, je suis assez d'accord avec des choses qui viennent d'être dites par mes deux comparses. Moi, j'ai trouvé le film vraiment insupportable. Alors, pour rebondir sur ce que dit Manu sur Steve Carell, moi, ce n'est pas celui qui m'a le plus dérangé dans le film. C'est Timothée Chalamet, me rendait dingue. Cette espèce de junkie minaudeur comme ça, c'est juste pas possible, c'est pas crédible un instant. Il essaye, Van Groningen, comme dans tous ses films, j'ai l'impression de construire l'émotion à travers une temporalité éclatée et des tubes pop toutes les 45 secondes. C'est son seul moyen d'apporter une vague émotion dans son film, parce qu'il est incapable de la construire autrement. C'est le pire de Sundance, mais peut-être dans un plus bel écrin. J'ai quand même relevé l'un ou l'autre champ contre champ, bien construit, entre autres dans un diner que je trouvais intéressant. Mais bon, là, c'est quand même vraiment très très très peu de choses. Et toi, Oli? Bah moi, c'est assez dur parce que bon, moi non plus, j'ai pas tellement aimé le film, mais vous en faites un espèce d'assassinat en règle. Je suis complètement d'accord avec vous que le film ronfle, qu'il ne se renouvelle jamais, qu'on est tout à fait dans des lieux communs, que c'est hyper attendu et que du coup c'est hyper ennuyeux, qu'il n'y a pas de point de vue en effet. En tout cas, il n'y a pas de point de vue émotionnel dans la direction, enfin dans la réalisation du film. Après, je me dis, enfin moi je trouve Timothée Chalamet plutôt bon dans le film, j'avoue. Je trouve qu'il est pas, il tombe pas dans l'overacting. Je trouve que c'est peut-être un côté, enfin c'est peut-être un bon calcul pour lui dans sa carrière d'avoir ce genre de rôle-là, parce que sans doute que dans sa carrière de mannequin peut-être, mais pas d'acteur. Et puis il est peut-être pas en overacting, mais il est peut-être en sous-acting par contre. Je suis pas sûr. Moi, je l'ai trouvé souvent sur la bonne, enfin sur le bon, comment dire. Le bon dosage, on va dire. Après, oui, c'est un film édifiant. C'est clair que c'est un film édifiant. Mais peut-être que nous, on est vieux et que des films sur la drogue, on en a vu plein. Et qu'on a déjà vu Christian F. ou Requiem for a Dream ou Panic at Needle Park, d'autres films sur la drogue qui sont chouettes. Mais peut-être que voilà, les gens, peut-être la jeune génération a besoin qu'on lui rappelle que la drogue, c'est mal. Je sais pas. Donc peut-être qu'on peut juste leur dire de revoir Panic at Needle Park. Oui, mais ils vont peut-être avoir moins d'accroche, tu vois, qu'avec Panic at Needle Park, qu'avec Timothée Chalamet. Tu vois, tu sens quand même, tu sens avec la date de sortie du film, tu sens vraiment que c'est un film produit pour les Oscars et qui a ce côté vraiment truc un peu bourgeois ronflant et pas très impliquant. Conventionnel, convenu. Oui, c'est clair. Bon, bref, pour finir ce que j'ai à dire, mais je suis d'accord avec vous, hein, de nouveau, on n'est pas du tout dans un échange conflictuel ici. Je dirais que, en fait, la seule nouveauté, moi j'appelle pas ça un point de vue, mais la seule variation du film, c'est que, en fait, la toxicomanie du jeune personnage n'est pas expliquée et inexplicable. C'est-à-dire que souvent, dans ce genre de trucs édifiants, vous avez genre « oui, mais quand j'étais petit, je me suis fait tripoter » ou « oui, mais en fait, tu n'étais pas assez occupé de moi », ce genre de trucs. Ici, le père est toujours montré comme un père aimant et cette espèce d'affliction qui est liée à la drogue est liée à une espèce de profond mal-être qui est inhérent au personnage. Ouais, il n'ose pas aussi s'enfoncer dans ce monde, entre guillemets, qui est le monde du gamin, parce que le film s'ouvre avec quelque chose qui se passe à peu près à la moitié du film Manière inexplicable d'ailleurs. D'une manière un peu inexplicable. Et tu te dis à un moment, ce père va faire le chemin pour aller découvrir le monde dans lequel est son fils. Et c'est vaguement esquissé, je suis d'accord. Avec une scène, mais qui est, c'est pas, je sais pas si elle est pas puritaine ou pas, mais elle est vraiment... Tu sens qu'il y a une sorte de côté très clean, il n'ose pas du tout s'avancer là. Moi, à un moment, je me suis dit, il va faire un film comme le hardcore de Paul Schrader, où le père part... On en est loin. non, mais vraiment un film d'exploration comme ça, d'un milieu que ce père ne connaît pas. Et non, il reste toujours à la surface. Non, mais je suis d'accord. Il y a une scène où le père va dans la chambre de son fils qui est parti à l'université et il ouvre une sorte de journal intime. Quand tu disais qu'à un moment on peut espérer que le père s'enfonce un peu là-dedans et que ça amène quelque chose au film, cette scène-là, elle dit tout là-dessus. Il ouvre ce journal, on voit les choses qu'écrit son fils, qui sont en effet pas agréables à lire pour un père, bon voilà. Derrière, une musique extrêmement dissonante qui va de plus en plus fort comme ça pour montrer que vraiment ça ne va pas, qui s'arrête sur quelques pages blanches. Il ferme le journal et la scène suivante, il va retrouver son fils. On est dans ce schéma-là tout le temps. L'avantage au moins de cette scène-là, je pense. C'est pas la pire. C'est pas la pire parce qu'au moins tu te dis quand il est en train de lire le journal intime de son fils, tu penses qu'il comprend que c'est un point de non-retour. Sauf qu'il va refaire une scène inversée au moment des fractions de la maison avec Timothée Chalamet qui va découvrir les notes de son père et il essaie vaguement de construire un truc avec Timothée Chalamet qui lit ses pages et il n'y a rien qui se passe. Quoi. Il essaie de faire une mise en parallèle avec le père qui est à la piscine en même temps et il n'y a rien qui prend. Oui, non, moi c'est juste revenir sur cette question de Chalamet que je trouve vraiment... En fait, il m'a assez énervé. J'ai dit que les acteurs n'étaient pas mauvais pour être gentils, mais il m'a assez énervé et notamment dans cette incapacité ou en tout cas ce non-changement d'émotion du tout du long. Alors c'est sûrement une question de direction d'acteur aussi. Mais, et d'écriture. D'écriture, ouais, bien sûr. Mais par exemple... On décrit la Crystal Meth, etc., comme euphorique, machin. Enfin bon, je vois jamais que ce gars est vraiment addict ou en tout cas a besoin de. Attends, il prend de l'ecstasy et tout de suite après il baise, quoi. Oui, oui, oui, bien sûr. Mais voilà, moi je me suis demandé à la fin du film s'il n'était pas soutenu, le film, je parle, par une œuvre caritative ou une campagne de bonne action. Mais vraiment, quoi. Je l'ai écrit. Ça fait vraiment ça, oui, c'est vrai que vraiment. On parlait de. Enfin, j'avais parlé du film de Gus Van Sant plutôt dans l'année en disant que ça faisait TV drama sur M6, mais on en était loin par rapport à ce film-là. Là, c'est un film punk à côté du film de Gus Van Sant. Il y a une scène aussi où il se pique dans sa chambre d'étudiant et puis déambule dans les rues avec de nouveau un goût musical comme ça très sûr qui donne une espèce de posture un peu désagréable de posture désagréable. Lui il est fringué hipster grungy comme ça, mais on croirait sortir d'un magazine de mode d'ado dans les années 90. Et alors, ok, il a la bouche entrouverte, mais il plisse quand même un peu l'œil comme ça. Enfin, c'est ridicule. Oui, vraiment, puis là, c'est ridicule. Enfin, pour ses posters de Nirvana, etc. dans sa chambre. Je veux dire, c'est vraiment les premiers clichés qu'on peut attendre d'un personnage de junkie de 18 ans. On va vraiment pas du tout en profondeur là-dedans. La seule chose que j'ai aimé, moi, c'est, je ne sais pas si vous avez attendu la fin du générique, c'est quand même un magnifique poème de Bukowski qui est assez beau. Mais il lit Bukowski même. Oui, mais il, à la fin du générique, tout le poème qui arrive dans l'extrait du film est dit malheureusement par Chalamet ou heureusement pour certaines personnes. Mais voilà, c'est moi j'ai aimé l'entendre. Je suis resté debout dans la salle à regarder ça. Bon, je propose qu'on termine sur cette note positive et qu'on enchaîne tout de suite avec le film de Steve McQueen. Lequel, vous le découvrirez dans quelques instants. You have no idea, do you? Or did you choose not to know? Your husband stole $2 million from me. This is about my life. This is about my life. And because it's about my life, it now becomes about yours. Après Hunger, Shame et la consécration 12 Years a Slave, beaucoup de cinéphiles étaient plutôt mi-chèvre, mi-chou par rapport à Steve McQueen. Mais c'est la Steve McQueen, le réalisateur. Mais c'est la première fois qu'on en parle au sein de Transmission. Donc c'est un réalisateur capable de parti pris formel assez risqué, plutôt bien tenu, mais surtout très ostensible. Hein. On repense à la conversation de 20 minutes dans Hunger ou le jogging dans Shame ou la séquence du fouet dans 12 Years a Slave. Ici, il revient là où on ne l'attendait pas. Un polar adapté d'une série britannique des 80s que lui et sa co-scénariste Gillian Flynn, l'auteur de Gone Girl, ont transposé ici à Chicago. La photo est comme toujours avec Steve McQueen de Sean Bobbitt qui avait donc signé celle de ses précédents films. Au casting, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elisabeth Debicki, Cynthia Erivo pour les filles et pour les garçons, Liam Neeson, Colin Farrell, Daniel Kaluuya et Robert Duvall. Eh oui, consigliere. Ça se passe à Chicago. Véronica est une femme dans la cinquantaine. Son mari, Harry Rawlings, donc qui est Liam Neeson, et trois autres braqueurs de son gang se font tuer lors d'une fuite. Et dans cette même fuite, leur fourgon est détruit avec 2 millions de dollars qui appartiennent à un sale politicard véreux. Donc qui vient chercher ensuite Véronica, donc la veuve de Liam Neeson, et lui demande en gros de la dédommager, sinon il risque de lui arriver des malheurs. Donc du coup, Véronica monte un gang avec deux autres veuves et essaie de récupérer en gros le dernier coup de son défunt mari. Voilà, c'était Lucien qui devait commencer sur le film. Je pense que je vais d'abord vite parler de Steve McQueen, qui est un mec qui vient de la vidéo. Steve McQueen, l'acteur de Bullitt. Donc il y a Steve McQueen 2, qui est un vidéographe que je trouve très, très intéressant. J'aimais beaucoup son premier film, Hunger. Enfin voilà, le mec s'est créé des images, et moi c'est ce que j'attends au cinéma. Maintenant, j'ai l'impression que depuis son deuxième film, la force puissante de ses images et de sa mise en scène, à laquelle il faisait totalement confiance dans Hunger et à laquelle il se référait presque intégralement, il la délaisse de film en film pour j'imagine essayer de toucher un public plus large, aller vers quelque chose de plus consensuel entre guillemets. Et par là même, je trouve qu'il perd énormément en finesse et qu'il va vers la lourdeur. Ici, je trouve que c'est particulièrement le cas sur l'écriture de son film et sur les thèmes qu'il aborde. Alors, on sent que c'est un cinéaste qui se veut de son temps. Il veut parler de problématiques. Maintenant, il se perd totalement là-dedans. Il en mélange beaucoup trop. Et à un moment, il est obligé de les appuyer au burin pour. De quelle thématique tu parles ? Ici, dans les veuves, le féminisme, le racisme, l'oppression, la corruption, la satire politique autour de la corruption, etc. L'Amérique Obama, la sectarisation autodestructrice, le deuil. Enfin voilà, il y en a pas mal, quoi. Il y en a d'autres probablement. Donc pour moi, voilà. Il se perd là-dedans. Maintenant, il y a des qualités au film. Je trouve d'abord simplement le film, je l'ai trouvé assez agréable à suivre, même si souvent très prévisible. J'ai trouvé Viola Davis assez bien dans le rôle. J'ai un problème de cast avec Liam Neeson, simplement parce que pour moi, il est associé systématiquement à ce genre de rôle et du coup, on voit exactement quel type de personnage ça va être. Je sais que j'énumère énormément de problèmes alors que j'ai trouvé le film plutôt agréable, mais bon voilà. Je trouve que le mélange entre les deux intrigues, donc entre le côté veuve, braquage, etc., et le côté politique de l'histoire ne prend jamais vraiment. On sent qu'il y a une volonté scénaristique de mêler les deux, mais pour moi ça tient sur des bouts de ficelle. Maintenant pour moi il y a beaucoup de moments, il y a des de très très belles idées de mise en scène. Je pense entre autres à deux longs plans qui filment le pare-brise d'une voiture dans lequel on ne voit que le reflet du ciel. Qui donne toute une vue de la ville. Et c'est marrant parce que tu dis qu'il est lourd et pourtant là, c'est un truc qui est quelque part un peu lourd. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis juste que c'est une idée de mise en scène qui est voyante. Ouais. Tout le monde la voit. Mais c'est ça que j'attends au cinéma, c'est qu'on me raconte des trucs à travers la mise en scène et qu'on soit pas obligé de me les appuyer à côté avec un discours, un moment où Viola Davis dit à ses copines, on doit faire ça comme des hommes, montrer qu'on a des couilles, tu vois. Moi, c'est bon, le discours féministe, je l'avais déjà bien senti avant, et à travers sa manière de gérer ses personnages, etc., ce qui est une fort bonne chose, hein. Donc voilà, je vous laissais rebondir et je rebondirai sur les, parce que je pense que le film a des qualités. Qui veut prendre la parole? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et principalement sur ce manque de direction précise. Je trouve qu'il oscille toujours entre le film de braquage, le thriller politique et la lecture féministe, et qu'il décide pas, ou alors comme tu dis, peut-être que c'est la greffe qui prend pas. Et du coup, malgré des très bonnes actrices et des super personnages féminins, je trouve, quelle est la spécificité de ce braquage féminin, par exemple, je trouve qu'il passe un peu à la trappe. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu aurais voulu qu'elles aient leurs règles pendant le braquage? Non, mais je ne vois pas ce que ça. C'est quoi un braquage féminin? Mais c'est pas le braquage féminin, c'est-à-dire que. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je pense, avec toute la préparation, toute la construction du récit du film, que cette scène va être un point d'orgue et quelque chose de. Pour le très coup, elle important. Elle fonctionne vraiment bien, cette scène. Moi, je trouve qu'elle passe un peu à la trappe parce qu'elle est vite joué et que ça prend pas autant de poids que ça pourrait l'être. Voilà, à part se tromper de code, etc., je vois pas vraiment je l'ai trouvé vraiment. Je trouve tout le film au niveau tension, au niveau rythmique est vraiment assez tenu. Je trouve qu'il est tenu, hein. Je trouve qu'il est tenu. Je trouve juste que j'aurais simplement aimé, ou je pense que cette scène méritait, selon moi, mais apparemment on n'est pas d'accord, et tant mieux, plus d'importance en fait. Mais bon, bref, à part ça, effectivement, je trouve que les actrices sont très bonnes et j'ai eu un petit coup de cœur pour Elisabeth de Bicky. Non seulement son personnage que je trouve assez bien, assez savoureux dans le film et comme actrice. Moi, ce que je note, c'est un peu ce que tu disais, c'est que je trouve que techniquement et dans la mise en scène, etc., c'est assez bien foutu, c'est assez impressionnant. Après, moi, il me laisse un peu de marbre parce que j'ai pas quelque chose auquel me raccrocher, mais bon, je vois pas de défaut majeur au film. Je trouve que c'est un film effectivement qui se regardent avec du plaisir, etc. Mais par rapport aux femmes, je trouve que les personnages masculins, bon, bien qu'effectivement ils décrivent un monde féminin, je trouve que les personnages hommes sont assez aussi passés à la trappe et je mets du temps à comprendre qui ils sont et ce qu'ils ont à voir avec l'intrigue, etc. Ok, très bien. Bon, je vais arrêter un peu les conneries là. Donc, c'est un très bon film. C'est franchement un des meilleurs polars que j'ai vu depuis quand même un sacré bout de temps. Je trouve que c'est un film qui est très bien écrit, qui est constamment accrocheur, qui a des personnages hyper forts, qui a des personnages hyper épais, en pas grand chose. Je trouve que c'est une super bonne nouvelle de voir Steve McQueen, justement, faire un film comme ça. Faire un film d'intrigue polar policier où il faut brosser des choses, où il y a de l'ironie dramatique, où il y a des pay-in pay-off, où c'est une construction savante de suspense. Enfin, le film n'est pas uniquement sur le suspense, mais c'est quand même un film qui est basé sur des révélations, etc., etc. Il y a une scène, notamment avec un chien qui gratte à une porte, que moi je trouve très bonne parce que tous les enjeux étaient super bien exposés juste avant. Je trouve que c'est supérieurement interprété, je crois que je l'ai déjà dit. Je trouve que le climax, il ne te vole pas sur le climax. De nouveau, tu as un braquage qui est sacrément bien emballé. Il y a des sacrés retournements à l'intérieur même du braquage. Il est bien préparé, il est bien installé parce que tu as vu le personnage avant. Ce personnage qui est interprété par cette jeune fille qui s'appelle Cynthia Erivo, je trouve génial la manière dont elle arrive dans le film. La fille qui court avec les cheveux courts, la manière dont elle est brossée, la manière dont elle arrive avec un temps de retard sur les autres. Je trouve ça très très bien. Je trouve que le personnage fonctionne en 2 secondes et demie. Je trouve aussi que Steve McQueen, de nouveau, fait C'est clair qu'il est pas fin. C'est clair que c'est pas un mec fin. Et certains trucs sont un peu lourds. Colin Farrell en espèce de corrompu blanc qui dit des mots hyper gras toutes les deux secondes. Il est un peu tout ça. C'est un. Enfin, il est presque rattrapé par son père. Je trouve, il y a des personnages qui sont un peu lourds. Il y a des choses qui sont un peu lourdes. Mais ce qu'il y a, c'est que de nouveau, en tant que réalisateur, il fait des choix. Comme tu parlais de la scène de la voiture. Ouais, j'en ai cité une. Des mais choix y en a des dizaines. Qui sont voyants, que tu vois. Donc quelque part, ça te met en position de spectateur actif. Constamment, tu te dis « Ah tiens, qu'est-ce que ça me raconte ?» Et en fait, ça fonctionne à chaque fois. Parce que le personnage de Daniel Kaluuya, s'il est si horrible, c'est que tu as eu le plan séquence avec le rap avant. Quand il fait le plan d'accroche sur la bagnole, s'il te raconte ça, c'est pour, de nouveau, ancrer son film dans une réalité urbaine. C'est un mec qui te fait constamment de la mise en scène et qui te fait constamment passer des trucs par la mise en scène. Parfois, de manière un peu lourde, c'est vrai. Mais au moins, c'est un film qui est plein. Mais c'est là-dessus, je le trouve génial. Et je me suis très mal exprimé au début, j'en suis conscient. Mais je préférais, par exemple, dans Hunger, où il faisait la même chose sans appuyer le truc. Où je trouvais juste, il se contentait de raconter des choses par une mise en scène qui est extrêmement parlante, qui est extrêmement puissante, l'intrigue qui est extrêmement forte. L'intrigue de Hunger est beaucoup plus ténue que le film qu'on a ici. On est d'accord. Et le propos de Hunger était résumé dans une scène de 20 minutes au milieu du film, qui était une conversation. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a cette scène, c'est vrai, mais elle est pas. Il y a tout ce qu'il y a autour, et tout ce qu'il y a autour, c'est une conversation, mais jamais elle est surappuyée comme c'est le cas dans les dialogues de Widows. Et surtout, avant même ces 20 minutes de conversation avec le prêtre, tout est posé, et tout est posé uniquement par la mise en scène. Enfin, si ce n'est la voix de Thatcher qui explique 2-3 trucs au début, c'est tout. Ici, sa mise en scène parle et je trouve ça formidable, et je suis déçu qu'il se sente obligé d'appuyer son propos par d'autres moyens pour que ce soit bien compris par tout le monde. Je trouve ça plutôt rassurant d'un gars justement qui va pas s'enfermer dans une tour d'ivoire d'artiste, etc., et qui va essayer justement de s'ouvrir au plus large public. Et c'est ce qu'il fait, je trouve, avec Widows, où il a cette humilité par rapport au genre de servir avant tout ces personnages-là. Parce qu'on a parlé juste avant d'un film qui ronronnait pour les Oscars. Là, moi, j'avais eu d'une certaine façon un peu peur du virage que pouvait avoir le cinéma de Steve McQueen. Et là, de le voir qui investit un film de genre avec autant d'humilité, en t'accrochant dès les premières secondes avec une scène qui te place tous les personnages au cœur de l'action, qui est avec des cadres percutants qui te happent. Moi, je suis cueilli et je demande que ça au cinéma, avec des personnages hyper forts. Alors oui, c'est peut-être quelquefois pas dans la nuance, mais ils sont incarnés, ils sont forts, ils sont en quelques scènes, ils te brossent ces personnages-là, c'est juste magnifique. Et pour le coup, on nous bassine à tour de bras à Hollywood en ce moment à base de woman empowerment. Là, c'est un putain de film féministe. Oui, il l'assume complètement, il est question d'émancipation, tout ce qui va être lié au passif de leur mari. Voilà, le film constamment regorge d'idées, de cadres percutants, le moment où elles vont justement percuter le van. Excellente scène. Il y a des idées de cadre pour chaque fois dynamiser ces scènes d'action. Moi, c'est un régal, la scène. Elle a beau durer 5 minutes en tout et pour tout, la scène de braquage. Elle est géniale. Je suis hyper impliqué dedans. Mais c'est par sa durée, à mon avis, que je suis déçu. Et oui, mais je n'ai pas besoin qu'elle dure 20 minutes du moment qu'elle est impliquante. Le personnage d'Elisabeth Debicki, la manière dont il l'a fait rentrer dans le récit, où tu la vois avec un œil au beurre noir, etc., tu comprends cette relation avec son mari, et comment au fur et à mesure elle va progresser dans son estime de soi, et comment elle va se révéler vraiment à toi, de ce personnage qui pourrait a priori être un peu nunuche, un peu blonde, le cliché qui se révèle bien plus que ça, avec des super beaux plans, notamment dans la baie de Chicago reflétée sur une vitre. Il y a quelques petits trucs qui m'embarrassent, peut-être à une première vision, je trouve certains éléments de l'intrigue, l'intrigue politique pas forcément toujours bien amenée, mais moi des personnages comme ça, j'en veux tous les jours, quoi. Non, mais carrément, je me suis juste très mal exprimé, simplement en commençant sur un point négatif, et du coup pour être clair, pour répondre à la question de Manu, ma déception vient du fait que j'ai d'énormes attentes par rapport à ce cinéaste. Ben moi, je préfère voir ça que de me dire qu'il va partir sur des grands films thématiques à chaque fois, et rester dans un certain petit confort de cinéma autoriste américain. Je préfère le voir investir ce genre de cinéma-là. Et en plus, le cinéma populaire de divertissement a besoin de ce genre d'auteur, d'être investi par des gens qui ont quelque chose à dire, à montrer. On est absolument entièrement d'accord et je suis très content aussi, ce qu'on n'a peut-être pas dit de manière très claire, mais tu en as parlé brièvement, je suis très content aussi que Steve McQueen aille vraiment dans le genre, ce qu'il effleurait depuis le début sans jamais aller dedans. Et je n'ai pas l'impression que s'il n'avait pas appuyé par le dialogue certaines de ses thématiques, le film aurait été moins grand public. Le film est grand public parce qu'il est passionnant, parce qu'il est attrayant, parce qu'il est... bien raconté. Parce qu'il est bien raconté, mais pas parce que... Il appuie son propos à travers quelques discours. Et il le faisait déjà auparavant dans ses films précédents. Hein. Il était insistant sur certains trucs. Hein. Donc oui, c'est pas... Ça a toujours été un cinéaste un peu lourd. Mais passionnant. Mais passionnant, oui, ça c'est sûr. Très bien, merci pour cette discussion. On va passer tout de suite à un film beaucoup plus léger qui est le Millennium, ce qui ne me tue pas, de Fede Alvarez. Are you not Elizabeth Salander, the writer of Wrongs? The girl who hurts men, who hurt women. I could never figure it out. Why did you help everyone? Why is it spiders don't get stuck in their own webs? Millennium, ce qui ne me tue pas, ou The Girl in the Spider's Web, c'est le nouveau film de l'Uruguayen passé aux USA, Fede Alvarez, après son remake de Evil Dead, qui n'était pas complètement catastrophique comme on pouvait l'attendre, et le très réussi par contre, celui-là, Don't Breathe, qui était sorti il y a 2 ou 3 ans. C'est un nouveau chapitre dans la saga Millennium, c'est l'adaptation d'une des suites des 3 fameux bouquins de Stieg Larsson, et je crois qu'il y a aussi des éléments du 2e bouquin dans le scénario de ici, The Girl in the Spider's Web. On a fait un peu tabula rasa des anciennes adaptations parce que le casting est complètement revu. Après Noomi Rapace et Rooney Mara, c'est donc à Claire Foy que revient le rôle ici de Lisbeth Salander, la fameuse hackeuse charismatique. On voit aussi dans le film Class Bang, le mec de The Square. Hein. Vicky Krieps, la meuf de Phantom Thread, et aussi Sverrir Gudnason, dont tout le monde va très vite oublier le nom, dans le rôle de Mikael Blomkvist, donc en reprenant le rôle de Mikael Craig. Daniel Craig. Donc ça se passe à Stockholm. Lisbeth Salander est toujours une hackeuse surdouée et asociale qui joue les super-héroïnes en foutant des trempes à des types qui battent leurs femmes. Un jour, elle est engagée pour récupérer un programme qui révèle plein de secrets atomiques super dangereux et tout ça. Mais à peine elle a mis la main sur le MacGuffin qu'il y a des vilains méchants qui arrivent et qui font péter son appart. Alors, pour se sortir de là, elle va devoir faire appel à 2-3 potes, et dont Michael Blomkvist, hein, et aussi affronter des secrets de son passé. Ce qui est bien maintenant, c'est que Oli donne son avis en pitchant le film. Oui, je deviens très Jérôme Garcin. Mais en même temps, on s'en fout puisque c'est moi qui vais commencer sur le film. Alors, c'est marrant de voir ce film-là juste après Les Veuves parce qu'on voit très bien ce qui fait la différence entre un polar incarné avec beaucoup de choses et un polar tout à fait générique. C'est aussi marrant que celui-là arrive après celui de Fincher. Ouais, enfin, mon celui de Fincher, maintenant, ça fait quelques années. Même si ici, le film, bizarrement, s'inscrit en fait très clairement dans la suite du film de Fincher, notamment par son générique de début. Enfin, il y a une copie conforme en moins bien, quoi. Tout à fait. Donc on sent ici très fort que c'est un film de commande. On sent très fort aussi l'envie, je trouve, de capitaliser sur une espèce de formule. On voudrait faire une espèce de film prototype pour suite multiple. En gros, j'ai l'impression qu'on est en train de poser des bases pour ça. Claire Foy, on en a parlé dans la dernière émission, qui était vraiment très bonne dans le film First Man, et ici assez transparente, je trouve. On est vraiment loin du côté animal que pouvait avoir Rooney Mara dans le film de David Fincher, et c'est la deuxième fois qu'on cite le film de David Fincher. Ça va continuer. Après, bon, le film n'est pas complètement dénué de qualité. Ça se suit relativement sans trop de problèmes, même si à un moment ça s'essouffle quand même assez fort. Il y a quand même des problèmes de rythme. Mais après, il y a des scènes où Fede Alvarez, on l'a vu notamment dans Don't Breathe, il sait poser une scène, il sait poser des enjeux. Il y a des scènes qui, en elles-mêmes, tiennent le coup. Je pense notamment à une scène dans la salle de bain, justement avec le mec de The Square, la Class Bang. Il y a aussi la scène dans l'aéroport qui fonctionne pas mal, celle où Lisbeth Salander va délivrer un de ses futurs potes qui fonctionne, je trouve, assez bien. Voilà, après, il y a des trucs qui sont complètement... qui ne marchent pas du tout. Michael Blomkvist, donc il n'a rien à faire dans l'histoire. L'acteur est nul. On fait monter une espèce de triangle amoureux qui ne sert absolument à rien. et surtout par rapport aux veuves. Donc Les Veuves est un film qui est plein de personnages très forts, qui est soulevé par des considérations et des enjeux contemporains, qui est traversé de plein de thèmes, parfois de manière assez lourde. Ici, il n'y a rien. On est vraiment dans un polar générique, une espèce de roman de gare de très mauvaise qualité. Voilà. Même si pour le coup, c'est le truc assez fidèle par rapport au roman originel. Voilà, sans doute, que je n'ai pas lu. Voilà, je vous laisse. Tu fais la comparaison avec le film de Steve McQueen. Je pense que Alvarez n'est pas dans la même position que Steve McQueen quand il fait le film. T'es clairement sur un film de commande. Je pense qu'il a une marge de manœuvre très limitée sur ce film-là. Et c'est vrai que c'est un film ce qui est une déception complète quand t'as aimé son film précédent, quoi. C'est un film tout à fait générique qui accumule tous les poncifs du genre. T'as l'impression de voir un mauvais actionneur des années 90, quoi. Ça fait un peu mal. Alors oui, de temps en temps, tu le vois émerger. Tu vois qu'il y a un cinéaste derrière la barre par quelques scènes, au tout début du film, où tu as ce mari qui se déplace dans sa cuisine et la manière dont il révèle la femme par le cadre. Tu as des petites idées régulièrement, des petites idées ludiques, tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, notamment une course-poursuite avec un hacking de bagnole. Tu as des petites idées régulières où il a des petites idées ludiques qui relancent un petit peu le truc. Mais c'est long, c'est brouillon, ça part dans tous les sens sans jamais rien raconter. Il y a une volonté, tu sens, de faire un film, un blockbuster un peu adulte avec un peu plus de violence, de sexe, mais là aussi c'est relativement prudent, ça va pas très loin dans quelque chose de vicieux ou de malaisant. Moi, si le film avait été à l'image de cette scène de début où c'était justement qu'une nénette qui se venge, j'aurais pris ça, sauf que ça s'égare avec des rebondissements à base de CIA, de missiles, de trucs complètement improbables, qui fait que j'espère qu'il va retourner, Alvarez, à des projets un peu plus habités qui tient de bout en bout et pas faire le shooter sur un des films comme ça. Moi, j'avais déjà des soucis avec le film d'origine, le film de Fincher, parce que je trouve que la base est tellement mauvaise en termes d'intrigue. Il y a un personnage charismatique. Fincher s'en tirait de ce gloubi-boulga d'intrigue de roman de gare totalement lourdingue, parce que il faisait un film plus de personnages, mais qu'il en faisait un film d'auteur, enfin de Fincher. Il en faisait un film de personnages, mais malgré tout, tu te coltinais quand même des rebondissements sacrément lourds à avaler. Je trouve que c'était un film très décevant dans son intrigue. Là, le problème, c'est qu'il n'a pas les personnages et son intrigue est complètement à l'image des bouquins. Et donc, il n'y a rien. Ouais. Tu n'avais déjà pas grand-chose à ajouter après Olivier, mais alors après Manu, là, c'est fini. En effet, on sent une première partie qui aimerait rebondir sur l'opus précédent, puis très rapidement, on sent le hachoir hollywoodien qui bouffe tout. Il reste, ouais, en effet, quelques idées, vagues idées de mise en scène élégante, mais faut vouloir les chercher pour les trouver. En effet, Claire Foy, moi, elle est complètement à côté de la plaque, mais c'est surtout aussi un problème de... Enfin, le personnage n'est pas du tout écrit dans celui-là, là où il l'était beaucoup plus pour Rooney Mara. Toutes les spécificités et les réflexions autour de cette héroïne sont juste passées à la trappe, il n'en reste absolument rien. Gros problème de casse dans son ensemble, particulièrement sur Michael Blomqvist, qui est juste... C'est hallucinant que ce mec ait un rôle dans un film, enfin bon, voilà. Heureusement qu'il ne nous écoutera jamais, hein, ce garçon. Probablement, il est peut-être très sympathique, mais... donc voilà, en fait, peut-être qu'il s'est joué, hein, mais c'est juste que là, il est très mal casté. Ouais. Ah ouais. Julien, autre chose. Merci. Non. Comme chef-d'œuvre. J'ai adoré. Non, je rigole. Je suis d'accord avec vous sur le manque de consistance de l'héroïne, cet acteur, son rôle qui n'a pas grand-chose à faire. Donc, je vais juste parler. Ça a été un tout petit peu évoqué. Moi, j'ai deux scènes qui me plaisent pas mal, et effectivement, c'est bon, alors à des degrés différents, parce que j'ai dit que l'ouverture et la fin de Widows me plaisaient beaucoup. Ici, je dirais pas ça, mais par contre, je trouve que l'ouverture du film plante bien le décor, plante bien les enjeux. Et que tu parles pas du flashback, tu parles de la première apparition de Lisbeth Salander, vieille. Non, je parle du flashback que tu as détesté.

et assez beau parce que c'est un film qui va malgré tout vers la lumière, malgré le tragique de la situation du personnage. Et c'est vraiment un film, je trouve, magnifique dans la justesse qu'il a sur les émotions de ses personnages, qui a la distance juste pour délivrer cette émotion. Voilà, c'est un film qui m'a accueilli, qui m'a longuement ému tout au long de la séance. Voilà, je trouve que c'est un parti pris assez casse-gueule dans lequel il en sort toujours grandi. Pierre Niney est fabuleux dedans, Anaïs Desmoustiers aussi. C'est vraiment un film français. Je pense que c'est le meilleur film français que j'ai vu de l'année. Voilà. Et bien pour continuer dans le cinéma français, puisque c'est bientôt Noël, la série de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français, est sortie, n'est-ce pas, en DVD et en Blu-ray. Donc après le film qui était sorti il y a de ça quelques années, où il parlait notamment de, avec un enthousiasme communicatif, n'est-ce pas, de Jean Renoir ou de Claude Sauté et de Duvivier. Ici, il revient donc en 8 épisodes sur les films de La Continentale ou des œuvres de Jean Grémillon ou de Max Ophuls ou aussi de Marcel Pagnol. Donc ça reste très très très intéressant puisqu'il y a mousse, extraits et descriptions enthousiastes et en même temps précises sans trop d'emphase. Voilà. Non, je ne t'engueule pas, c'est parce que tu as tellement d'emphase, effectivement. Julien. Et quel est ton conseil ? Bon, je ne vais pas être très original, mais je vais parler de Bernardo Bertolucci, ce grand cinéaste qui nous a quittés. Et alors, on est obligé de parler de Nicolas Roeg, alors ? Tu pourras le faire après, moi je vais parler de Bertolucci. Et principalement du film 1900, donc je ne sais pas comment mon frère m'a convaincu de regarder ce film de 5 heures à 10 ans, mais voilà, on l'a vu en deux fois et on a regardé ce film en famille. Donc avec cet arrière-plan historique, cette réalité brutale, et c'était... pour moi, un de mes premiers contacts avec un cinéma à la fois populaire et à la fois transgressif. J'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, des images m'ont hanté assez longtemps. Et ça reste vraiment un de mes grands souvenirs de cinéma. Donc, on peut regarder 1900 comme Le Dernier Tango à Paris, comme le Conformiste. Le Conformiste, qui sont des très grands films. Sauf qu'un des trois n'est quand même pas un bon film. En tout cas, moi, je les aime tous les trois beaucoup. Avec un des méchants, des plus ignobles de l'histoire du cinéma, je crois, dans le personnage de Donald Sutherland, qui lui-même joue dans Ne vous retournez pas, de Nicolas Roeg, à voir aussi, évidemment. Revoyez les films de Nicolas Roeg, puisque en fait, ce type de cinéma aussi aventureux nous manque aujourd'hui, je pense. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Transmission, et on se retrouvera très très bientôt, avant même 2019. Merci à tous et au revoir.